partez pas trop vite ainsi. Vous nous avez sauvé la vie. Vous nous avez sauvé la vie. Vous nous avez sauvé la vie. Comment vous remercier? Chères demoiselles, pour vous remercier, nous allons donner en votre honneur, nous allons donner un bal sans égal. Acceptez, je vous prie, cette noble invitation. Demoiselles, je vous prie, acceptez sans façon. Nous sommes flattés d'une telle faveur, nous acceptons avec bonheur. Nous sommes flattés d'une telle faveur, nous acceptons avec bonheur. Nous acceptons.